I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission qui raconte la radio à partir des voix qui la font. Et dans ce nouvel épisode, nous recevons un animateur drôle, viril, jovial et festif. Ce sont les quelques mots qui apparaissaient en première page de Google quand j'ai tapé son nom hier. Les auditeurs de RFM se réveillent avec lui chaque matin dans le meilleur des réveils. Et pour les plus vieux, dont votre serviteur, c'est celui qu'on écoutait parfois discrètement pendant la pause récré du bahut, le Walkman branché sur Europe 2. Mon invité aurait pu aussi naviguer en chantant à cette heure-ci sur les lacs du Connemara ou la rivière de son enfance. Mais non, il est ici, en studio, pour nous raconter sa radio. Mon invité se nommé Albert Spano, bienvenue à vous. Ben bonjour Eddy, bonjour tout le monde. Vous êtes bien renseigné, hein, vous avez bien travaillé, hein, parce que c'est vrai que c'est bien résumé. Mais j'espère que vous aurez apprécié ce petit clin d'œil à Michel Sardou. Bien sûr, j'apprécie tous les clins d'œil de tout le monde concernant Michel Sardou. Alors, alerte spoiler, il n'y aura pas de Michel Sardou dans cette émission. Non, vous pensiez. Ouais, j'ai été déçu, très déçu. Non, mais pas toujours, je le réserve pour d'autres occasions. Eh ben, peut-être la prochaine fois, qui sait, on verra bien. Bon, en tout cas, Albert, nous allons commencer avec le commencement. Vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? Oui. Ça me rappelle, et puis ça me rappelle des bons souvenirs. Ça me rappelle mes débuts sur Radio Baie du Soleil. Elle s'appelait comme ça, cette radio, et c'était un petit peu la même configuration que chez vous. Alors, donc je démarrais. C'était il y a longtemps, hein. Très longtemps. Est-ce qu'on doit donner l'année ? Oui, on peut la donner. J'ai commencé, je crois, un 1er février ou un 1er janvier 1986. Et c'est une radio qui était à... C'est une radio qui était à Menton, qui s'appelait Radio Baie du Soleil et qui par la suite est devenue Nostalgie quand les radios importantes ont commencé à reprendre des fréquences. Elle a basculé en Nostalgie, mais moi, ça m'a permis de commencer. Donc, c'était très bien. Et alors, justement, racontez-nous, donc, comment vous êtes arrivé à Radio Baie du Soleil, vos premiers contacts, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer? Moi, j'étais pas du tout destiné à faire de la radio, donc j'ai arrêté l'école très très jeune, donc j'avais pas trop de repères. J'avais quand même un entourage familial, hein, qui me surveillait, mais je passais plus mon temps à jouer dehors. Et puis il se trouve qu'à l'âge de 19 ans, j'ai eu un accident de voiture assez grave. Et comme j'étais sans travail, il a fallu quand même faire quelque chose. Et j'avais des copains à l'époque, dont j'avais un copain à l'époque dont la sœur travaillait à l'office du tourisme de Menton et qui me voyait ne rien faire. Mais c'est vrai que j'avais un côté festif, un petit peu déconneur. Vous l'avez dit, j'étais assez jovial, même si j'étais pas en super forme à l'époque. J'avais quand même ce côté jovial. Et elle me dit, tu sais, il y a une radio à l'office de tourisme, c'est une radio municipale, tu devrais essayer, ils cherchent des animateurs, c'est bénévole et tout, mais au moins ça t'évitera de rester dans la rue à faire n'importe quoi. Et en fait, au lieu d'envoyer un CV normal, j'ai enregistré mon CV. Et c'est ça qui a fait basculer les choses en ma faveur. Et quand j'ai donné cette cassette, à l'époque c'était sur cassette, donc j'ai donné la cassette à la personne que je connaissais qui l'a donnée et j'ai été rappelé tout de suite. Mais tout de suite, le téléphone chez mes parents a sonné immédiatement. Et en fait, c'est pas tant mon parcours, hein, parce qu'il y en avait pas. Donc il y en avait pas du tout. Mais c'est juste sur la cassette, j'expliquais pourquoi je voulais faire de la radio. Et le type de l'époque s'appelait Jean-Pierre Raymond, c'était le directeur de la radio. Ben, il m'a contacté, il m'a dit, si vous voulez venir vous amuser chez nous, venez. Et il m'a ouvert la porte et... J'y suis allé, j'ai commencé comme ça, simplement en faisant preuve, pas d'imagination, mais je me suis dit, c'est une radio, je vais pas écrire un CV, je vais l'enregistrer. Et voilà. Sans se forcer, en étant vous-même. Complètement, oui, complètement. Et alors, votre tout premier micro, est-ce que vous vous en souvenez? Comment vous vous sentiez à ce moment-là? Comment je me sentais, je vais vous dire, j'étais tellement stressé que je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui va appuyer sur un bouton et tout ça va tomber dans un trou et hop, je vais pas y aller. Parce que j'étais tellement flippé, j'avais tellement peur que je me suis dit, mais tant pis, si ça marche pas, c'est pas grave, j'y vais pas. Et au final, eh ben, j'y suis allé, je me rappelle de mon premier disque, c'était Michel Sardou, je me rappelle de mon deuxième disque, c'était Jean-Jacques Goldman, et je me rappelle de mon troisième disque, c'était Fizzy Contini, et ça s'était super bien passé, c'était une tranche horaire qui allait de 15h à 16h30, et comme j'habitais, c'était à Menton, à la frontière italienne, et que donc je suis italien, eh ben on m'a demandé de faire une émission un peu pseudo-italienne, de raconter des trucs un petit peu en italien, parce qu'il y a une communauté italienne évidemment importante, et ça s'était super bien passé. Vraiment super bien passé. Et puis j'y suis resté quelques mois. Donc voilà. Donc quelques mois, et pourquoi quelques mois justement ? Ben parce qu'après, comme c'était une radio bénévole, où j'étais bénévole, ben il a fallu quand même que je puisse en vivre. Il faut savoir que chez moi, la radio, c'est quelque chose qui est devenu passionnant. C'est pas une passion. Je suis pas arrivé dans une radio parce que je me suis dit, mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. C'est une fois que je l'ai fait que je me suis dit, c'est ça que je veux faire et je voudrais en vivre. Donc moi, j'ai toujours considéré ça comme un travail. Un travail passionnant, mais un travail quand même. Et donc, au bout des 6 ou 8 mois de bénévolat, il a fallu que je travaille parce que je pouvais pas comme ça rester éternellement au crochet de mes parents. Et ben, j'ai fait pareil. J'ai envoyé des cassettes à plein de radios. Puis j'avais peur de rien. J'ai même envoyé à Europe 1 à l'époque. Donc, je peux vous dire que j'étais. Voilà, c'est ce que j'allais dire justement. Voilà. Vous faisiez pas que la région. Non. J'étais prêt à partir partout. Et il se trouve que la seule radio qui m'a répondu à l'époque, c'était une radio en Corse qui s'appelait Studio 20. C'était une copie d'Énergie. Et je suis parti travailler là-bas une année. Un souvenir extraordinaire. Mais c'était bien parce que là, pour le coup, je faisais quelque chose qui me plaisait. Donc, un travail qui était passionnant. Et en plus, j'avais un salaire. Et donc là, à partir de mon expérience en Corse, je me suis dit, c'est possible. Et vous aviez du coup, c'était une nouvelle expérience aussi, une nouvelle façon de faire de la radio par rapport à vos années, par rapport à mes mois RBS. Ah oui, complètement, parce que les mois RBS, la personne qui s'occupait de ça venait d'RTL, donc on était une sorte de radio associative, mais calquée sur les radios périphériques. Et là, je me retrouve sur une radio qui s'appelle Studio 20, donc une radio musicale qui était calquée sur Énergie à l'époque. Donc oui, c'était complètement différent, mais n'empêche que ça l'a fait quand même. Et ça a été une expérience supplémentaire. Et là, bah, petit à petit, aujourd'hui je le sais, à l'époque je le savais pas, mais en fait j'étais en train de me construire tout simplement. Et comme ça, de toucher un petit peu à tout. Je faisais de la production, j'enregistrais de la publicité, donc voilà, j'apprenais le métier sur le tas en ayant un salaire qui me permettait de vivre tout simplement. Donc cette aventure a duré, donc vous l'avez dit, un an. Ça a duré une année et en fait, j'espère que la communauté corse ne m'en voudra pas. Je suis pas parti pour des raisons, j'en vivais, donc j'aurais pu rester là-bas. Le problème, c'est que la Corse, une fois que les saisons estivales sont terminées, eh ben si vous jouez pas à la belote et si vous allez pas à la chasse aux sangliers, eh ben vous déprimez. Et c'est pour ça que je suis parti, c'est parce que j'étais tout seul. L'été, l'hiver, c'était complètement différent et j'étais tout seul. Tous les gens qui étaient avec moi l'été, qui restaient dans la radio l'été, que ce soit les stagiaires, les bénévoles, les animateurs qui venaient juste pour faire la saison, tous ces gens-là sont partis parce que j'étais le seul salarié. Et donc, bah, j'ai repris mon magnéto, j'ai refait les cassettes et j'ai renvoyé. Petite anecdote, il y a des stagiaires avec qui je travaillais à l'époque sur Studio 20 qui sont restés mes amis. Voilà. Donc des gens que je vois encore. Donc du coup, rebelote avec les cassettes CV, jusqu'à Paris, encore une fois. Non, pas encore. Là, je pars à Kiss FM à Cannes, où je reste quelques années chez Patrice Sidrac, où là, ça s'est très très bien passé. Et l'époque était différente, hein, parce que je me souviens, je sais plus trop quelle tranche horaire je faisais, mais je sais qu'un jour, sur une météo, il allait faire froid, et j'ai dit « demain, on va se les geler ». Aujourd'hui, vous dites « demain, on va se les geler », personne ne remarque rien. Mais à l'époque, j'ai été puni pour ça, et j'ai fait 3 mois la nuit. Parce que c'était, donc on se plaint aujourd'hui. Non mais c'est pas commun comme sanction. On peut plus rien dire. Mais à l'époque, j'avais dit ça et hop, je me suis retrouvé 3 mois la nuit. Mais après, j'ai eu vraiment avec Patrice Sidrac, j'ai eu une relation vraiment particulière avec lui, avec Laurent Thibault également qui dirige aujourd'hui Rire et Chanson. J'ai eu vraiment des bons rapports avec eux puisque j'ai fait la matinale sur Kiss FM pendant quelques années quand même, et ça s'est toujours très très bien passé. Mmh. Toujours très très bien passé. Il y a une histoire intéressante, cette Kiss FM d'ailleurs, parce que je me suis un peu renseigné. Elle était franchisée Energy, si je dis pas de bêtises. Exactement, oui. Oui, oui. Elle était Energy. Donc en fait, j'ai connu moi Energy, et donc j'étais fier. J'arrive sur Energy, je faisais de la radio depuis peu en fait, et donc j'arrive sur Energy. Et effectivement, le contrat Energy, pendant que j'étais là-bas, est arrivé à terme, et donc il a fallu changer de nom. Et donc on s'est appelé Kiss FM parce que le nom Kiss FM appartenait à Patrice Sidrac, et je me souviens très très bien qu'on avait fait la bascule nous-mêmes la nuit, Energy en Kiss FM, et on était dans Cannes, et on est allé inonder Cannes d'autocollants pendant la nuit. À l'époque, on faisait ça nous-mêmes. Donc on allait coller des autocollants sur les voitures, on allait inonder ça sur les portes d'immeubles, on faisait tout, c'était un petit peu... C'était de l'artisanat, quoi. C'était vraiment de l'artisanat. Et on faisait, toute la promo était faite par les gens qui étaient sur place. Donc, j'ai fait une bascule comme ça d'une radio. Mais je le savais pas à l'époque, mais ça serait... Après, c'est arrivé encore. On aura, je pense, l'occasion d'en parler. Mais c'est arrivé une deuxième fois, après. Et ben on en reparlera justement après notre première pause musicale. Comme d'habitude, d'ici, c'est l'invité qui fait la programmation. Et Albert Spano, on va commencer avec une musique qui s'appelle Musique, ouais, de France Gall. Exact. Music. Transgal, avec musique, choisie par Albert Spano dans La Mécanique des Ondes, oui. Aujourd'hui, qui est avec nous pour nous parler de son parcours radiophonique. Mais juste une toute petite aparté sur Transgal, j'ai choisi ça parce que moi j'aime beaucoup les auteurs. Et parfois, les auteurs, les bons auteurs, ils arrivent à placer des phrases un petit peu improbables dans des chansons. Et là, Michel Berger, dans cette chanson, il fait dire à Transgal le bruit des pelles mécaniques. Dit comme ça, c'est pas très joli. Mais dans la chanson, et quand Transgal l'interprète, je trouve que c'est magnifique, le bruit des pelles mécaniques. Et donc, je me suis dit, tiens, le bruit des pelles mécaniques, la mécanique des ondes. Oh, voilà. Joli. Je me suis dit, tiens. Très joli. Tiens, c'est pas mal. En plus, la chanson est bonne et tout. Donc voilà, pourquoi? Pourquoi pas? Eh bien, on me l'a jamais faite, celle-ci. Ben, voilà. Ben, faut bien faire joué. Un vœu. Alors, très si bien c'est bien. Moi le premier. Alors Albert, nous retournons donc à Kiss FM. À Kiss FM, à ouais. Cannes. À Cannes, oui, je me souviens très très bien, on était rue Félégara à Cannes. C'était une belle aventure également. Là, par rapport à la Corse, la radio pour moi, ça s'est professionnalisé. Véritablement. C'est-à-dire que là, j'ai appris à parler sur des intros, j'ai appris à lancer des infos, j'ai appris à être extrêmement carré, j'ai commencé à faire de la production moi-même, c'est-à-dire que le comédien venait en studio avec moi, c'est moi qui enregistrais, c'était moi qui étais chargé de faire la pub. Quand c'était 30 secondes, c'était 30 secondes. Là, je quitte un peu l'amateurisme quand même. Là, je commence à prendre des coups aussi un petit peu. Pas des coups méchants, hein, mais là, je me rends compte que il y a des gens qui travaillent, il y a des salaires à payer, il y a un patron qui a besoin de résultats. Et donc, ça, c'est sur Kiss FM que j'ai vraiment, où je me suis dit, j'ai passé un palier. Et cette aventure à Kiss, ça avait duré combien d'années? J'ai pas vu de... Oh là de... là, elle a duré 7 ans. 7 ans? Elle a duré 7 ans, ouais. Elle a duré elle a duré un moment. Elle a duré un petit moment. Et après... vous voulez savoir après? Bah, surtout comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé très très bien parce que j'ai toujours gardé des contacts. Ça s'est terminé parce que j'avais fait le tour de la chose et je me souviens j'avais été voir Patrice Sidrac en lui disant je vais arrêter parce que je voulais lancer un commerce et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs et il a tout à fait compris, il s'est moqué de moi bien sûr mais voilà je voulais tenter autre chose autre chose et je l'ai fait donc c'était très bien. Et ce petit commerce, est-ce que c'est ce que je pense ou c'est tout autre chose? Allez-y, dites. La voix off? Non, c'était pas la voix off. Non, j'ai simplement ouvert un commerce à Nice. Mais ce commerce n'a pas vraiment fonctionné. Donc il a fallu, pour le coup, il a fallu retourner travailler. Et je suis retourné faire de la radio. Alors, j'ai lu, vous me dites si je me trompe, vous êtes passé par une radio d'autoroute? Ben c'est justement c'est là. Celle-là. Et voilà, c'est d'accord. Celle-là. Il a fallu travailler et donc je suis allé travailler sur Trafic FM. C'était la fréquence, c'est toujours les mêmes hein, de toute façon, c'est 107.7. Et j'ai travaillé là-bas parce que comme je parle italien, l'été, ils font un programme trilingue, français, anglais, italien. Moi j'ai fait français italien et j'étais avec une animatrice irlandaise qui s'appelle toujours d'ailleurs Mary Keller qui elle faisait le programme en anglais et j'ai fait 4 saisons là-bas. 4 saisons que l'été. Donc voilà, j'avais l'impression d'avoir un petit peu un boulot de plagiste. Voilà, ouais, c'était que juillet, août et c'est tout. Et donc je me suis retrouvé sur Trafic FM. Mais pareil, hein, c'était une très bonne expérience pour moi. Donc voilà. Oui, c'est intéressant aussi parce que c'est une radio différente, totalement différente par sa thématique. Et du coup, quand là-bas, on n'est pas que animateur. Non. On fait aussi un peu. Je ne sais pas si on peut dire du journalisme vraiment. C'était mais... exactement ça. Non, c'est pas un peu. C'était tout à fait ça. Il fallait être clair, il fallait être précis, il fallait être concis, il fallait pas se répandre, il fallait donner une info. En plus, c'était l'instantané. Ça n'aura échappé à personne. Sur l'autoroute, il y a des accidents parfois, et donc c'est ce que nous on devait donner. Donc il fallait pas. Là, il y avait pas de place. On pouvait pas. Il n'y a pas trop de place pour l'humour. On pouvait en faire, mais à certains moments, effectivement, ça devenait de l'information pure et dure, avec des accidents, des voix qu'il fallait dégager, des pompiers qui arrivaient. Donc tout ça, il fallait le dire. Et là, il fallait vraiment maîtriser le sujet. Et ça m'a permis, de me construire encore un petit peu. Et est-ce que c'est par ce biais-là qu'il y a une personne qui arrive au bon moment? Ouais. Alors on va en parler justement. Ouais, parce que en plus je faisais une petite chronique sur Kiss FM, j'avais le droit. Je faisais ça sur Trafic FM l'été, donc le programme trilingue. Mais Patrice Sidrac qui voulait que je réintègre, mais qui pouvait pas me donner de travail parce que j'étais parti, donc il fallait quand même qu'il fasse tourner sa radio. J'écrivais une petite chronique à l'époque qui s'appelait les programmes télé. Où pendant 6 chaînes, il y avait 6 chaînes à l'époque, où je massacrais tout le monde. Même si c'était bien, je flinguais tout le monde. Mais vraiment, vraiment. Et un jour, je reçois un coup de fil. Parce que j'avais envoyé cette cassette. Il fallait que je continue à travailler. Je pouvais pas me contenter de Trafic FM uniquement l'été. Il fallait... Comme tout le monde aujourd'hui, il fallait bosser. Et donc, bah, pareil, hein, je reprends mon petit enregistreur et j'enregistre 4 ou 5 chroniques télé. Je prends les meilleures. Je les ai pas écrites exprès pour la maquette. Vraiment, j'ai pris celles qui me semblaient être les meilleures. Et j'envoie encore une fois au monde entier, au monde entier. Et un jour, je rentre chez moi, pas encore de portable à l'époque, c'était que les débuts. Et j'interroge mon répondeur. Et là, j'entends bonjour. C'est Coé à l'appareil. Bah, je voulais parler à Albert Spano. Écoute, si tu entends ce message, rappelle-moi. Et je rappelle. Et effectivement, c'était lui. Et il me dit, bah, écoute, j'étais en vacances dans le sud. J'ai entendu ta chronique et je viens de trouver une maquette dans la poubelle. Je vous raconterai pourquoi tout à l'heure. Dans la poubelle. J'ai entendu ta chronique, donc j'ai fait le rapprochement avec toi. Je savais pas que tu voulais bouger. Est-ce que ça t'intéresse de venir à Rire Chanson? Ma cassette était dans la poubelle parce qu'il faut savoir que Coé m'a appelé, je vous dis n'importe quoi, un vendredi pour me dire, bah, rencontrons-nous. La même semaine, 2 jours avant, Dominique Duforest m'appelle pour me dire, je prends pas. Ah oui. Donc tout ça était à la poubelle. Alors ça, je le raconte parce que bah, les gens avec qui je travaille aujourd'hui avec RFM ont assisté à la scène et donc ils me l'ont rapporté très très vite. Donc c'est ça. Parfois ça tient. La vie change par rapport à une poubelle hein, quand même. Hein. Et donc Dominique Duforest n'a pas voulu de moi, mais il avait probablement ses raisons. Après, il a peut-être pas aimé. Contrairement à Coé qui lui a beaucoup aimé. Donc je me souviens très très bien, il m'a appelé un 15 février 99 et le 1er avril 99, je démarrais sur Rire et Chanson pour la chronique. Il a pris ma chronique telle que je la faisais sur Kiss FM, il a voulu qu'on la fasse sur Rire et Chanson et pour faire le 16-20, le 16h-20h. Voilà. Et pour resituer pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément l'histoire, à l'époque, Coé venait donc d'arriver comme directeur antenne. Oui, Coé venait de se faire, il faisait le gros afternoon sur Énergie, ça coûtait trop cher pour le virer. Et donc, ils ont préféré lui confier les rênes d'une radio qu'il a fait vraiment, vraiment sérieusement. Il a pris la mission vraiment à bras le corps. Mmh. Il y avait un objectif, je me souviens, la radio faisait 2.4. Il fallait l'emmener à 3 points. À l'époque, c'était comme aujourd'hui, hein. C'était une aventure hein, pour faire gagner des points à une radio. Et donc, il a vraiment fait les choses sérieusement et il a pris la direction de Rire et Chanson et il a voulu injecter un peu de sang neuf, comme tous les directeurs qui prennent les radios aujourd'hui, hein, c'est normal. Et il m'a demandé de venir et donc Coé, effectivement, était sur Énergie. Hop, il se retrouve sur Rire et Chanson. Et avec moi. Et du coup, grâce à Coé, du coup, vous faites vos premières armes à Paris sur un gros réseau national. Ouais. Et là, ce que j'apprends surtout, c'est à maîtriser une pression terrible. Parce que là, j'ai vraiment eu la pression. J'ai eu une pression terrible. Le premier mois à Paris, j'ai perdu 7 kilos, j'ai changé de couleur. Et j'ai voulu partir. Oui, c'est ce que Coé disait dans son livre que j'ai lu d'ailleurs. Il en parle un moment où il dit que justement, il vous a encouragé à ne pas lâcher. Et justement, bah après, ça, on voit le résultat aujourd'hui, ça a payé. Ben, je voulais partir, j'étais pas bien, j'étais, enfin même, c'était même pas une question de loin de ma famille parce que je suis venu pour des questions professionnelles à Paris et je sentais que j'étais pas à l'aise dans cette grosse radio parce que il s'agit pas que de Rire et Chansons, hein. Il s'agit du groupe Énergie. C'est-à-dire que j'arrive d'une radio qui s'appelle Trafic FM où on est 10. Et je vais rue Boileau où on est 2000. Donc moi j'ai le souffle coupé hein et pour les mauvaises raisons. Donc je me retrouve dans un endroit où même si ça se passe pas trop mal à l'antenne, eh ben je suis vraiment pas à l'aise du tout quoi. Et vraiment j'étais pas bien, je dormais pas et Coé il me dit pars en vacances, réfléchis et puis on en reparle quand tu reviens. Effectivement, je suis parti en vacances. Et puis je sais pas, j'ai dû prendre conscience de la chance que j'avais parce que j'ai eu de la chance. Et puis bah je sais pas, petit à petit, je suis rentré dans un autre mode de fonctionnement et ma vie a totalement changé. Oui, c'est un nouveau palier de franchi. Ouais, ouais, encore une fois, oui, mais je pense que le Paris pour quelqu'un qui veut travailler dans les médias, Paris, à mon avis, est un passage obligatoire. Il faut. Et dans ce passage obligatoire, c'est un couloir dans lequel il va falloir apprendre à maîtriser les émotions, à maîtriser le stress, à maîtriser, pardon, le stress, les émotions, à maîtriser les gens qui vous disent pas bonjour. les gens qui vous disent pas merci, les gens qui vous disent pas au revoir. Il faut apprivoiser un peu Paris. Et moi, j'ai appris à faire ça et j'adore Paris. Je partirais pour rien au monde. Mais il y a ce petit passage, alors c'est des a priori, hein, quand on dit les gens disent pas bonjour, disent pas merci, c'est faux, c'est totalement faux. C'est moi, à l'époque, qui pensais, je pensais que j'étais tout seul, perdu, dans la jungle. C'est faux, j'étais nouveau, je venais d'arriver, c'est comme un garçon, un élève qui change d'école en cours de saison, eh ben, il lui faut toujours un petit temps d'adaptation pour se faire des nouveaux amis. Eh ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé à Rire et Chanson. Et je suis assez fier d'ailleurs du fait que Coé ait parlé de moi dans son livre, parce qu'il parle pas, il parle de lui, de sa vie et de son parcours, mais le fait qu'il ait parlé de moi, ça me rend extrêmement fier. Parce que je pense que, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs hors antenne, sa fierté à Coé, c'est pas tellement de m'avoir trouvé, c'est de m'avoir fait rester. Oui. Parce que c'est vrai qu'il est si je suis là aujourd'hui, c'est parce que il a réussi à trouver les bons mots, et les bons mots qu'il a utilisés assez facilement. Hein, part en vacances, on en reparle quand tu viens. Ben oui, c'est ce qu'il fallait faire. Et l'aventure à Rire et Chanson a duré alors 18 mois. J'en parle comme d'une peine de prison. J'ai pris 18 mois à Rire et Chanson, alors que pendant 18 mois, on a rigolé avec Coé, avec Morad. Qui à l'époque, Morad, qui a eu une carrière incroyable après, parce qu'il a été sur NRJ, il a été sur Canal, il a été sur M6, et donc avec Coé, Morad et moi, vraiment, ça a été 18 mois de bonheur total, mais vraiment total. C'était génial. Et alors après ces 18 mois fermes, donc rue Boileau, on dira. Ouais, 18 mois fermes rue Boileau, et ben Coé s'en va. Enfin, s'en va. Il s'est fait sortir, voilà, comme ça arrive tout le temps, parce que parallèlement à Rire et Chanson, il prend également la direction d'Énergie, où là, ça le fait pas, et donc, Coé doit abandonner, et il prend Europe 2. Il vous embarque avec lui. Et il m'embarque avec lui. Il m'embarque sur la radio que j'écoutais quand j'étais à Nice, où j'écoutais Gad Elmaleh, où j'écoutais Arthur, où j'écoutais Manu Lévy. Donc j'écoutais ces gens le matin, et donc je me disais pas j'aimerais travailler là-bas. J'écoutais cette radio. Donc sur cette radio, il y avait effectivement donc Arthur, Manu Lévy, mais il y avait d'autres noms. Il y avait Sébastien Séffrin, il y avait Philippe Despont, il y avait Éric Madelon, il y avait Frédéric Hafner. C'était une radio que j'écoutais, donc je connaissais sans connaître en fait tous les gens qui composaient cette grille. Je connaissais Patrick Fabre, Christophe Damon. C'était des noms qui ne m'étaient pas inconnus, puisque j'écoutais cette radio-là toute la journée, et donc je me retrouve avec eux. Et ben on va en parler juste après le deuxième choix musical qui aurait été diffusé sur Europe 2 à l'époque, hein, ouais, pas ouais, de bêtises. Ouais. C'est un morceau de Supertramp. Arnaud, on va le lancer maintenant, si tu veux bien. Take Take the Long Way Home des Supertramp qu'on n'écoutera pas en entier, mais non, c'est pas grave. Mais c'est une belle chanson, très belle chanson. C'est mon premier choc émotionnel sur un album anglais. Et donc la voix que vous entendez, si vous prenez l'émission en cours de route, c'est Albert Spano que vous entendez sur RFM tous les matins, qu'on entendait sur Europe 2 aussi. Il y a quelques années. Oui, il y a quelques années. Et ouais. Justement, Europe 2, on y est entré là. Vos premières années rue François 1er. Ouais. Donc nous sommes en 2000. On est en 2000. En 2000. Oui, je suis arrivé en août 2000. Et là, je bombe pas le torse parce que je suis pas comme ça, mais j'étais tellement heureux d'intégrer ça. Heureux d'aller dans cette radio qui est mythique avec des gens que j'entendais à l'antenne, et là je les croise, Sébastien Séfrin, Eric Madelon, Philippe Despont, je les croise, ces gens que je ne connaissais pas et que j'entendais, Patrick Fabre, la rédaction, parce qu'à l'époque il y avait une vraie rédaction, avec Ekel Bailly qui était dans un hélicoptère parce qu'on faisait la circulation et tout, là je rentre là, dans cet univers là, et là je sais que je rentre dans quelque chose de magique, de fort, de puissant, une marque incroyable, un univers incroyable. Et ça a duré pendant 8 ans. Et ça, c'était extraordinaire. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais le fait de l'avoir fait, je sais qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Oui, même moi, justement, je regarde sur Internet des fois les commentaires sur les réseaux. Il y a toujours cette nostalgie d'Europe 2 qui revient, mais quelle que soit la période, vraiment. C'est vrai. Et votre nom fait partie des noms indissociables, du coup, de la marque aujourd'hui. Et j'en suis extrêmement fier que mon nom soit à côté de noms d'animateurs radio aussi emblématiques. Moi, je suis très, très, très, très heureux et vraiment, c'est quelque chose de magique. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, l'aventure Europe 2. Et alors, petit lien avec ce que vous faites aujourd'hui, à l'époque, Europe 2, vous avez fait aussi votre toute première matinale pendant une saison. C'est vrai, avec Alexandre Pell. On ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec Alexandre Pell et toute une bande d'amis. Eh ben, on l'a fait, on a rigolé, c'est vrai. On n'a pas eu le succès escompté. Et donc, comme ça se fait généralement, on a été remplacé, mais on n'a pas été remplacé par n'importe qui. On a été remplacé par Nagui et Manu, et c'était top, parce que moi, il y avait la déception d'arrêter la matinale, mais très vite, il y a eu la fierté de passer après une émission qui était extraordinaire, et qui, pour moi, à mon sens, aujourd'hui, avec le recul, c'est une des meilleures émissions qu'il y a eu dans l'histoire de la radio. Nagui et Manu, pour moi, c'est une trace aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose, c'est un sillon qui a été creusé et qu'on pourra jamais enlever parce que c'était fantastique. Il y avait une complicité entre les deux, il y avait une osmose, il y avait une rigolade, il y avait de la musique, il y avait Nagui qui emmenait ses invités de Taratata qui venaient faire des lives chez nous, c'était extraordinaire. Puis Manu qui était totalement imprévisible. Qui était totalement dingue et qui l'est toujours, mais c'était vraiment une aventure extraordinaire. Et moi, j'étais à 9h et donc on faisait avec Nagui et Manu des passages d'antenne interminables avec des quiz Michel Sardou. Ça n'en finissait pas et les gens en redemandaient. Et je pense que ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui étaient là à l'époque, en redemandent encore. Ah, probablement, oui. Mais ça me fait plaisir que les gens n'aient pas oublié cette époque-là, Alors, l'époque Europe 2, du coup, vous y êtes resté jusqu'au bout. Oui, je crois que vous avez fait Virgin Radio encore quelques mois après. Oui, j'ai fait les six premiers mois de Virgin Radio. Puis après, je me suis fait débaucher par Energy. Et donc, je suis allé faire 3 années sur Energy, rue Boileau. Bon, là, vous n'avez pas eu trop la pression par rapport à avant, ça va? Non, parce que là... Là, j'étais déjà un animateur un peu plus confirmé. Le petit exploit, c'est que là, j'avais déjà passé la quarantaine, mine de rien, parce que je suis pas encore vieux, mais je suis pas non plus tout jeune. Donc j'avais passé la quarantaine, et c'était extrêmement rare pour Energy d'embaucher un animateur de la qui est passé la quarantaine. Parce que je rappelle quand même que c'est une radio jeune. Mais j'ai fait 3 ans là-bas, qui se sont plutôt pas mal passés. Et puis voilà, j'ai eu besoin un moment de souffler, et j'ai quitté Energy. Alors. Petite parenthèse justement par rapport à Energy. Alors, vous aviez toujours un truc original que vous injectez dans votre animation, dans les tranches de flux. Moi, par exemple, à Energy, je me souviens d'un rituel que vous aviez à midi chaque jour. Vous annonciez pour votre les santé, titres. Oui. Vous annonciez les titres, les prochains titres à venir sous forme de menu. Ouais, exact. Oui, je faisais des menus de bouffe avec la musique. Je faisais ça et je me souviens le claim, c'était, je crois que la mention légale, c'était pour votre santé. Manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je disais pour votre santé, manger. C'est tout. Avec c'est les oreilles. C'est tout. Manger. Et je faisais un menu par rapport à ça. Ouais, c'est vrai. Vous êtes bien renseigné. Alors, il nous reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien revenir quand même sur RFM, du coup, parce que avant RFM, vous êtes revenu quand même à la maison Virgin. Oui, j'ai fait quelques mois sur Virgin Radio, mais le format me correspondait plus trop. Et Jean-Philippe Denac est venu me demander si je voulais pas aller travailler avec lui à RFM. Je suis donc descendu d'un étage, je suis allé à RFM. Et puis voilà, j'ai fait le 9-13. Et puis ensuite, il y a eu l'opportunité de faire la matinale avec Élodie Gossuin. Et donc là, c'est notre 5e saison. Et ça se passe plutôt pas mal. Avec Élodie, enfin si on en juge par les résultats, oui, c'est bien, c'est une très belle aventure. Alors justement, la matinale, quand vous y êtes arrivé, justement, donc déjà vous remplaciez Bruno Robles, qui était déjà là en place à cette tranche depuis des années. Ouais. Comment vous aviez pris du coup vos marques à ce moment-là? Moi, je prends mes marques de façon très simple. Je considère qu'il y a quelqu'un qui était dans des pantoufles, il laisse les pantoufles, donc c'est à moi de m'adapter à ces pantoufles, donc... Il y avait des choses qui étaient dans l'émission de Bruno qu'on a gardées. Parce que je pense que c'est pas bon de balayer d'un revers de la main. D'abord, c'est extrêmement prétentieux. Et ensuite, ça déstabilise une audience et c'est pas bien. Donc, il y a des choses qu'on a gardées. Il y a des choses qu'on a apportées, nous. Et on a essayé de mélanger ça de façon cohérente, intelligente, entre guillemets. Et ça l'a fait. Ça a plutôt bien pris, voilà. Si j'en juge par les résultats aujourd'hui, évidemment. Oui. Après, je sais que la vérité d'un sondage n'est pas forcément la vérité du sondage suivant. Ça, je l'ai appris. Et vous êtes donc en binôme avec Élodie Gossuin, qui est toujours présente. Oui. Et en plus, quand on vous écoute à l'antenne, on sent tout de suite vraiment la bonne alchimie qu'il y a entre vous deux. Oui, ça a matché tout de suite avec Élodie. Tout de suite, on s'est entendu. C'est-à-dire que maintenant, on est un duo. Donc, c'est pas évident d'être deux à l'antenne. Hein. Il faut savoir qui fait quoi, qui parle où, qui parle quand. Eh ben, nous, on le fait naturellement, sans s'appuyer sur des textes. On se regarde et elle sait à quel moment je vais m'arrêter, je sais à quel moment elle va reprendre. Tout est naturel avec Élodie, tout, absolument tout. Ouais, je pense que c'est ça qui fait la force de l'émission. Ouais, c'est pas tricher, de pas mentir. On est à l'antenne comme on est dans les couloirs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de aucun préparation. Aucun artifice. Oui, si, il y a une préparation d'émission. Ça, oui, c'est le conducteur, bien sûr. Il y a un conducteur, il y a des sujets qui sont choisis, mais il n'y a pas de. Le ping-pong est naturel chez Élodie et moi. Un parcours vraiment passionnant qui n'a pas commencé de la même manière que tous les autres animateurs, hein, on l'a entendu. Alors, petite parenthèse avant de passer aux questions, il y a quand même Albert l'animateur, il y a Albert la voix off, donc on l'a entendu, mais il y a aussi Albert l'écrivain. Oui. C'est vrai. Alors on va faire une petite parenthèse rapide, hein. Vous aviez sorti il y a quelques années un polar qui s'appelle Pornopolis aux éditions Les Presses Littéraires. C'est vrai. Et c'est un domaine dans lequel on ne vous attendait pas forcément en fait. Mais parce que c'est un domaine que j'adore. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai la passion je suis passionné par les auteurs, les mecs qui écrivent des chansons, les mecs qui écrivent des pièces de théâtre, des livres. Je suis passionné par Pierre Lemaitre et Michel Houellebecq. Ça se voit pas comme ça quand on me voit arriver, mais pourtant si, j'adore ça, j'adore l'écriture. Je devrais pas le dire, mais pour préparer l'émission, je pourrais taper sur un ordinateur, hein. Mais malheureusement, je noircis des tonnes de papier, c'est pas bien, mais je suis passionné par ça. Je suis passionné par ça. Et donc, je voulais absolument réussir à écrire un polar, je l'ai fait. J'ai écrit une nouvelle également à quatre mains avec Esther Hervy, qui écoute peut-être, qui a été, que j'ai publié, qu'on a publié nous-mêmes sur Amazon. Et là, je travaille à l'écriture d'un troisième livre. Mais la matinale me mange petit à petit. Oui, donc, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Voilà, c'est une petite parenthèse parce que c'est aussi une drôle de coïncidence. On parle de livres dans cette émission et la grille de Fréquence Protestante va bientôt accueillir une émission qui s'appelle La Mécanique du Livre. Et c'est une très bonne idée et que je vous encourage à réaliser parce que c'est bien, c'est une très bonne idée, je trouve. Voilà, on vous enverra peut-être dans cette émission à la sortie du prochain livre. Allez, on va passer à la partie questions avant de nous quitter avec, pour commencer, la question capsule enregistrée par l'invité de la précédente émission. Ah. Et alors, c'est ce que j'aime dans cette émission, c'est que une radio pose une question à une autre et en l'occurrence, là, c'est inattendu, Skyrock pose une question à RFM. Émeric du 16-20 vous pose une question, on l'écoute. Salut Albert, déjà c'est un plaisir de pouvoir te poser une question, puisque même si je sais qu'on n'aime pas entendre ça nous, animateurs radio, et je l'entends aussi de plus en plus, j'ai grandi en t'écoutant, et j'ai toujours été inspiré par ta bonne humeur sur l'antenne, et par ta personnalité atypique. Albert, est-ce que tu as quand même une période que tu as préférée? Voilà, en toute sincérité, un moment d'euphorie en radio. Alors, on va pas parler de la période RFM parce que je suis dedans et c'est une période que j'aime beaucoup. Oui, la période Europe 2 était extraordinaire, extraordinaire. On a vécu des choses fantastiques, on a fait des choses fantastiques. On a présenté un Europe 2 musique show à la fois à la radio et en direct à la télé sur MCM à l'époque. C'était une aventure fantastique, vraiment fantastique. J'ai rencontré des gens que je pensais pas rencontrer. J'ai rencontré Nicolas Sirkis, j'ai rencontré Muse, j'ai rencontré Mathieu Bellamy de Muse. Enfin, ça a été cette période-là incontestablement. Je pense que personne. Pardon pour les autres. Oui, non, je pense que personne qui écoute ne vous contredira sur le coup. Allez, on va terminer avec notre questionnaire rapide maintenant, Albert. Allez. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle. Nagui. La radio qui résumerait votre enfance et votre adolescence. Radio Monte-Carlo. La radio qui vous réveille le matin. Radio Monte-Carlo, pas RMC, hein. Oui. Radio Monte-Carlo. Radio Monte-Carlo. C'est pas la même. Non. La radio qui vous réveille le matin. La mienne, RFM. La radio qui et vous... France Info aussi. Mmh. Et France Info. Et la radio qui vous endort le soir. Aucune. Alors, un endroit où vous écoutez toujours la radio. La voiture. Un endroit où vous n'écoutez jamais. La radio, le RFM. Même si on écoute un peu la radio en oui, fond, mais parce on que c'est pas là-bas. Ça, on l'écoute pas là-bas. On est trop à l'intérieur. Quand vous êtes dans le programme, parfois vous l'écoutez pas. Alors, s'il fallait sortir un meilleur souvenir, je pense qu'on a déjà répondu à cette question, mais. Un meilleur souvenir, c'est les rencontres avec les artistes. Vraiment, c'est les rencontres avec les artistes, c'est d'avoir croisé des artistes que j'aurais jamais pu croiser si j'avais pas fait ça, quoi. Si j'avais pas été animateur. S'il fallait sortir un pire souvenir? Bah, pareil. Parce que parfois, vous rencontrez des gens, vous êtes très déçus. Mais je balancerai pas de nom. Bon, bah, va falloir gratter en off. Hein. Et pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio? Ah, il faut le conseil, ne pas baisser les bras, parce que parfois c'est un milieu qui peut être difficile, pas hostile, mais difficile. Voilà, il y a très peu de radios, hein. Il y en a pas beaucoup quand on regarde. On n'est pas très nombreux à faire ce métier-là. Il faut s'accrocher, il faut travailler. Et je voudrais dire ce que j'ai dit au début, même si c'est quelque chose de passionnant, il faut pas oublier que c'est un travail. Et donc, il faut être à l'heure, il faut être sérieux, même quand on est un type comme moi, l'esprit un peu déconneur et jovial, il faut quand même être sérieux, il faut faire la chose sérieusement, parce que les directeurs de radio aujourd'hui, ils veulent s'appuyer sur des gens fiables, et donc il faut être pro. Et c'est pas, on peut pas juste prétendre arriver derrière un micro comme ça, il faut préparer, il faut travailler, c'est important. Et c'est là-dessus qu'on va donc clôturer cette mécanique qui a été très joviale. Eh ben, je vous remercie en tout cas de m'avoir invité, c'était très très agréable. Et puis merci à la technique aussi derrière. Merci Arnaud. Merci beaucoup Arnaud. Malgré la coupure sur le deuxième titre. Hein. Allez, on se retrouve nous le mois prochain sur Fréquence Protestante pour une nouvelle mécanique des ondes. D'ici là, n'oubliez pas, émission à retrouver en replay et en podcast sur fréquenceprotestante.com et aussi sur lamécaniquedesondes.com.